dans la rue on me dit Iben, j'aime ce que tu fais, reste un type chouette et prends pas la grosse tête. T'inquiète. Modeste équipe N reste gravé dans les têtes. Je fais pas du RAP parce que c'est à la mode, mais pour faire passer des messages au monde entier. Dans la vie je suis posé sur la rime, rien ne peut m'arrêter. Certains diront que j'ai du talent, tandis que les médisants débiteront sur mon dos. Je peux rien faire face à la jalousie, alors j'ai choisi d'aider les vrais amis. Des fois je me dis que le temps c'est du vent, faut en profiter raisonnablement. Accro du vidéo virtuel, c'est ce que j'aime, comme le RAP qui me colle à la peau. Certains préfèrent le tuning, chacun son hobby. Moi je rêve d'être MC. Dans la rue y'a des losers, des lovers, alors je me ferai un passage pour éviter le game over. Ouais Ben, pas mal le CD, mais on croit pas que c'est toi. C'est normal, j'ai pas la pochette, tu comprends, nous on grave. Les cordes vocales serrées à bloc, j'ai pas peur de répéter pendant des heures pour finir mes textes afin que ça glisse comme du latex. Dans la tête, les jeunes parlent de meufs, sexe, reconnaissance. Première page, ils peinent dans les journaux et sur le web, je fais des ravages. Ça y est, je suis contaminé. Ma langue se délie dans la vie, faut dialoguer, sinon t'es vite catalogué. Philosophe, non, non, comme Hérodote, je suis fasciné par l'histoire. Quand je suis parasé, on me dit que je ressemble à un pagnard. Accepte le hip-hop qui évolue dans ses conceptions. C'est l'affirmation d'une avant-garde, imprégnée d'une vision spécifique. Baisse pas ta garde pour écrire un chapitre dans les annales. Franchement, j'aime pas ce qu'il fait, c'est de la dope. Ah Iben, eh ça va, continue comme ça. Tu passes quand tu veux pour faire un featuring en studio. Ouais ouais, tu me dis ça pour me faire plaisir. Y'a pas plus hypocrite que toi, sans mentir. Sache que j'ai du pain sur la planche, quoi que t'en dises. T'es jaloux quand tu vois la promo qui prend d'ampleur et que les gens crient mon nom avec ardeur. Ça fait mal au cœur. Au lieu de critiquer, tu ferais mieux t'investir. Prendre un ticket chez le boucher, décortiquer mes textes. Tu verras que mon rap tue comme une hachette. J'ai les nerfs qu'on voit des types de la sorte. Si t'aimes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. Je m'investis dans le travail avec acharnement. Excuse-moi de rester poli, j'avance dans l'échiquier. Les dés sont lancés alors je rêve d'amasser les billets.